fête. En fin de semaine, la France commémorera la journée nationale de commémoration de l'esclavage et des abolitions. Troisième temps de notre série d'émissions consacrée à l'outre-mer ou aux outre-mer, tandis que cet après-midi, nos amis de la série documentaire vous proposeront cette semaine, donc pendant toute la semaine, une série sur les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage. Après avoir lundi discuté avec Isabelle Surin du dévoilement de l'Afrique au 19e siècle tel qu'il a été raconté et pensé par les explorateurs européens, puis hier nous être arrêtés sur l'après-Seconde Guerre mondiale et les colonies, nous allons ce matin évoquer l'existence d'une revue plus que centenaire, la revue Outre-mer au pluriel. Nous allons en parler avec des membres de cette rédaction, Hugues Tertrais, professeur émérite à Paris 1, spécialiste de l'Asie, président de la Société française de l'histoire des Outre-mer, Emmanuel Sibeud, professeur à Paris 8, spécialiste d'histoire culturelle et intellectuelle de la colonisation en Afrique au XXe siècle, membre de la rédaction donc de cette revue, Julie Dandurin, qui est professeure à l'Université de Lorraine, spécialiste d'histoire des guerres en Afrique et dans le monde arabe et secrétaire générale et trésorière de cette même Société française de l'histoire des Outre-mer, et Colette Zitnicki, professeure émérite à Toulouse, Université Jean Jaurès et au laboratoire Framespa, spécialiste de l'Algérie coloniale et auteur très récent, puisque c'est paru en tout début de mois, de Un village à l'heure coloniale chez Belin, Drap 1830-1962. Bonjour Emmanuel Sibeud. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous Julie Dandurin. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour Colette Zitnicki. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France à Toulouse qui vous accueillent et nous les en remercions. Et bonjour à vous, Hugues Tertrais. Bonjour. Alors, cette Société française d'histoire des Outre-mer que vous présidez, donc Hugues Tertrais a une histoire plus que centenaire. Il faut peut-être revenir justement sur cette histoire pour comprendre la complexité d'un parcours et aussi de la publication d'une telle revue au tout début du 21e siècle. Elle naît en 1912, cette oui, société. Oui, c'est ça, comme société savante, donc un petit peu plus de 100 ans, c'est vrai. Et l'ancienneté, c'est une. Alors, on en est fier ou non, mais en tout cas, c'est de la réalité sur laquelle nous travaillons. Nous, dans la continuité est là. Continuité technique aussi, parce que j'en profite pour rappeler que l'imprimeur qui édite la revue est le même depuis l'origine. Ah oui, d'accord. Donc, Payard à Ville, que c'est Alfred Martineau qui avait fondé la Société d'histoire des colonies à l'époque, qui avait pris contact avec lui, et c'est toujours lui qui est notre imprimeur et qui fait même la diffusion de la revue. Donc, société très ancienne, mais dont le parcours n'a pas forcément été linéaire, bien sûr. Ah, on peut l'imaginer, parce qu'entre colonisation et décolonisation, déjà, il y a des ruptures. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, je dirais, il n'y a pas de soubresaut particulier. La société change de nom à plusieurs reprises. Au début, c'était l'histoire à la rue d'histoire des colonies françaises. Mmh. Donc, effectivement, complètement dans son temps, si je puis dire, et dans l'Empire. C'est devenu la revue d'histoire des colonies tout court, donc en élargissant un petit peu. Et puis c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'elle est devenue la revue française d'histoire d'outre-mer. Mais ce qui est assez significatif, c'est le sous-titre que cette société a porté jusqu'en 1998, à ma connaissance, exploration au pluriel, colonisation, indépendance. Donc effectivement, aujourd'hui, ça pourrait prêter à sourire de mettre ces trois termes ensemble. C'était la réalité jusqu'en 1998. C'était le titre actuel, Outre-mer Revue d'Histoire, date de 1999. Donc il y a eu un petit moment, là, à la fin du XXe siècle, en gros, de réflexion sur le titre. Alors, il faut peut-être réfléchir aussi sur le mot Outre-mer. Ce mot est un mot un peu particulier, puisque il n'est pas, et on l'a déjà évoqué très brièvement avec Isabelle Surin lundi, il n'est pas, disons, un terme, même si c'est un terme très ancien qui remonte au Moyen-Âge, il n'a pas été utilisé avec le même sens tout au long de notre histoire, et en particulier, il est le signe d'un changement, pourrait-on dire, après la Seconde Guerre mondiale, vis-à-vis justement de la longue histoire de la colonisation française. Bon, l'outre-mer existe toujours, a toujours un ministère dédié et quelques. On parle souvent des confettis de l'Empire, mais enfin, eux se voient de manière plus importante sans doute. Je dirais que pour nous, outre-mer, c'est à la fois un héritage et pourquoi pas une discussion. C'est-à-dire que nous n'avons pas créé le terme, évidemment, nous en avons hérité. Nous y revenons souvent, nous en discutons souvent, parce que c'est un terme qui est apparu finalement comme Le moindre mal, pas le moindre mal, ou l'élément le moins... On ne peut plus appeler l'histoire, la revue d'histoire de la colonisation non, française. Ça c'est de toute sûr, façon, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, bon, la société savante a toujours été dans le siècle, je pourrais y revenir, mais effectivement, ce terme-là, c'est un petit peu le dénominateur commun qu'on ne pouvait pas... Enfin, je n'étais pas à la discussion qui a décidé de ce terme, mais autant que je sache, ça s'est passé comme ça. D'autant qu'on a rajouté un S à Outre-mer. Il n'y a plus une Outre-mer, mais il y aurait des Outre-mer. C'est donc une autre façon aussi de montrer le pluriel de cette conception. Emmanuel Sibeux, ça prouve aussi la difficulté justement de nommer tous ces espaces géographiques qui sont couverts par une revue comme celle-ci. Alors oui, tout à fait. Je dirais que le problème que pose le terme Outre-mer, c'est que le terme Outre-mer sous-entend quand même un point de vue depuis les métropoles ou depuis la métropole. Et ça pose toujours problème parce que c'est pas ce que nous faisons actuellement quand on fait de l'histoire de la colonisation ou ce qu'on appelle aussi la nouvelle histoire impériale, où au contraire on croise les points de vue en parlant du point de vue des sociétés coloniales et du point de vue des métropoles. Alors pour revenir sur la question du pluriel, bon, la revue en fait l'a adoptée assez précocement puisqu'elle l'a adopté dès 1999. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, après les mouvements sociaux très importants du début de l'année, il y a eu un gros débat au Parlement en fait à propos d'une loi sur l'outre-mer où un député de la Guyane avait demandé, ou un sénateur de la Guyane, je ne sais plus, avait demandé qu'on parle des outre-mer et ça a posé une véritable question. Donc là, on voit comment la revue en fait a été un petit peu en avance. Je dirais que la notion d'outre-mer est vraiment une notion qui est en débat aujourd'hui. En particulier, on l'a bien vu l'année dernière avec le référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, on publiera dans la revue l'année prochaine un dossier intitulé « Sortir du colonial » et qui parlera beaucoup des outre-mer français. Donc il y a un vrai débat en fait autour de cette notion outre-mer. Et je reprendrai volontiers la démonstration faite par Benoît Trépied en particulier, qui est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et qui expliquait comment en Outre-mer se posait à nouveau la question de la citoyenneté, donc les Outre-mer redevenaient un laboratoire extrêmement important. Oui, Colette Zitniki, il faut effectivement s'apercevoir que une telle revue couvre des espaces géographiques très variés et qu'elle ne couvre pas évidemment que l'histoire de la colonisation française ou de la décolonisation française et du post-colonial pour ce qui est de l'espace français et francophone. Et donc il y a cette variété, ce chatoiement pourrait-on dire, qui est nécessaire pour pouvoir rendre compte de la totalité des espaces couverts et des périodes couvertes par une telle revue. Oui, ce qui est caractéristique, je pense, de la revue, c'est qu'elle couvre d'abord un champ chronologique très, très vaste. Par exemple, et ça depuis l'origine, elle s'intéresse à ce qu'on a pu appeler le premier empire colonial et on continue à travailler dans ce sens. Et en même temps, un champ géographique tout aussi vaste puisque on s'intéresse aussi bien à la zone pacifique que aux Antilles, enfin ou le Maghreb par exemple. Et enfin, dernière chose, c'est pas seulement l'outre-mer ou les outre-mer français qui sont pris en compte, mais ce sont aussi les outre-mer britanniques par exemple ou espagnols ou portugais. Et ça aussi, je dirais que c'est une des caractéristiques de la revue. D'ailleurs, on accueille de plus en plus des articles rédigés, par exemple, en anglais, portant sur l'Empire britannique, par exemple. Oui, et votre terrain de prédilection, puisque vous êtes spécialiste de la colonisation au Maghreb en particulier, Colette Zitniki, quand on pense à l'outre-mer aujourd'hui, on ne pense pas naturellement, dirons-nous, alors que c'était le cas auparavant, à ces espaces géographiques du Maghreb. Et pourtant, ça en fait partie, effectivement. Oui, ça fait partie. Disons que la revue traite évidemment du Maghreb. Alors c'est un peu curieux effectivement puisque l'outre-mer évoque des espaces beaucoup plus lointains, disons les Antilles ou la zone pacifique. Ou de l'océan Indien. Ou de l'océan Indien. D'ailleurs, il va y avoir un dossier concernant cette zone bientôt. Mais quand on regarde, par exemple, les dossiers thématiques qui ont pu être publiés depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que le Maghreb occupe une place importante. Oui, et ça, c'est un des problèmes, Julie Dandurin, effectivement, que de se retrouver à devoir gérer des visions de l'outre-mer qui étaient, disons, différentes avant la décolonisation, par exemple, de l'Algérie, différentes après, avec des visions de la colonie, effectivement, qui étaient différentes à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, et de devoir tout mettre ensemble dans une même revue, en l'occurrence, Julie Dandurin. Oui, alors en fait, cette revue est aussi le reflet des chercheurs qui travaillent dans la revue. C'est essentiellement aussi ce qui permet de voir l'identité d'une revue. Et on a eu pendant beaucoup d'années des spécialistes qui étaient vraiment spécialistes de l'Afrique, et la revue a une connotation africaine pendant très longtemps. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle orientation qui fait jour, qui apparaît, avec une volonté d'ouvrir sur le Maghreb, d'ouvrir par exemple, pour ce qui me concerne, aussi sur le Mashrek, et on pourrait aussi tout aussi bien penser ouvrir sur l'Empire russe, parce qu'il y a eu aussi une colonisation dans le monde russe. Donc tout ça, c'est lié aussi aux chercheurs qui font partie de la revue, qui la font vivre, et au mode de fonctionnement de cette revue. Et aux évolutions, effectivement, de la recherche dans le champ français en particulier, puisque vous êtes, vous travaillez beaucoup avec des chercheurs qui sont dans le champ français. Évidemment, ces évolutions sont très considérables depuis une vingtaine d'années, on peut le dire. Oui, mais avec cette difficulté aussi que l'université est souvent divisée par aires géographiques, alors que nous, on essaye justement de dépasser ces aires géographiques. Mali et Guinée se sont donné la main, un titre d'immédiat après les indépendances de 1960 en Afrique, signé Mogane Tapé et l'Orchestra Moderna. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire dans une série consacrée aux Outre-mer, et nous parlons aujourd'hui de la revue d'histoire Outre-mer au pluriel, et nous avons avec nous quatre des dirigeants et rédacteurs de cette même revue. Emmanuel Sibeud, il faut peut-être se placer dans le contexte actuel où il y a une énorme foisonnement autour de ces questions. Vous évoquiez tout à l'heure la nouvelle histoire impériale, par exemple, cette notion d'empire qui a bousculé considérablement la recherche depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près, une dizaine d'années. Tout cela, vous devez en rendre compte dans une revue comme celle-ci, mais ça bouscule aussi la façon dont on la rédige, dont on la conçoit, etc. Oui, alors, on peut revenir là à la question de la division en aires culturelles ou de tous les nouveaux termes aussi qui sont apparus actuellement, puisqu'on parle de post-colonial, de décolonial, de colonial. Et effectivement, alors du point de vue, en tant qu'enseignante, je dirais que il y a une grande confusion actuellement, en particulier dans la tête des étudiants, qui sont persuadés que dès qu'on fait de l'histoire critique de la colonisation, on est dans le post-colonial, donc on a du mal avec tous ces termes. Et donc, il y a des définitions effectivement très différentes. Je pense que la richesse de la revue, et on le voit dans la variété en fait des dossiers qu'elle propose, parce que les numéros sont presque tous constitués d'un dossier et d'articles varia, c'est le fait que on est à la fois sur des thèmes transversaux qui concernent en fait tous les empires, toutes les formes de colonisation moderne, et puis avec des logiques qui sont aussi des logiques régionales. Effectivement, Colette Zitniki évoquait le dossier qu'on va proposer sur l'océan Indien. Est-ce qu'il faut parler d'Indian-Océanie? Est-ce que c'est un espace particulier? À quel moment il s'est constitué? Selon quelle logique? Et c'est très important de ce point de vue-là qu'on garde le contact aussi justement avec les Outre-mer et avec le discours qu'ils peuvent proposer. Vous évoquiez, il faut peut-être préciser pour nos auditeurs et nos auditrices, effectivement, ces débats autour du terme post-colonial. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là en tant que chercheuse, Emmanuelle Sibeud. Quels sont ces débats et comment se cristallisent-ils, non pas forcément dans une revue comme celle-ci, mais en général dans le champ académique, qui permettrait de comprendre comment on doit naviguer dans justement toutes ces discussions qui sont des discussions qui interviennent dans l'espace public, pourrait-on dire, mais aussi dans l'espace de la recherche. Alors, ce qu'on peut dire sur le post-colonial, c'est que ça part des travaux d'Edward Said à la fin des années 1970. Et en fait, ce que nous a rappelé Edward Said de façon extrêmement efficace, c'est que la décolonisation n'était pas terminée et qu'il importait en particulier de déconstruire tout ce qui avait été construit au moment de la colonisation en termes épistémiques. Et donc, il fallait prendre une distance et qu'il fallait repenser la colonisation par rapport à ça, réévaluer son impact et réévaluer son impact en particulier sur les métropoles. Je pense que c'était vraiment l'angle mort en fait en France, en particulier dans les années 80, c'est quelque chose qui était clairement dénoncé à ce moment-là. Maintenant, le grand apport, je pense, des études post-coloniales, c'est qu'en fait toutes les disciplines se sont réintéressées à l'objet colonisation, oui, qui était un objet familier aux historiens, et je pense que la trajectoire de la revue est très caractéristique de ceci, parce que la revue, en fait, a toujours proposer des travaux sur la colonisation. C'est un objet dont on est loin d'avoir fait le tour. Et on voit apparaître d'autres logiques dans d'autres disciplines et c'est ce qui enrichit formidablement les débats. Mais la revue a toujours proposé des propos et des articles sur la colonisation, mais dans un premier temps, des articles qui étaient très favorables à cette question de la colonisation dans le premier 20e siècle, mettons, puis ensuite des articles qui sont devenus de plus en plus critiques et de plus en plus historiques avec la dimension critique nécessaire au travail de l'historien, et cela évidemment ça fait qu'il y a différentes manières d'aborder cette colonisation dans une longue revue, une revue au temps long de plus d'un siècle comme celle-ci. En effet, effectivement ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres en particulier, donc avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que je disais tout à l'heure que la revue et la société qui est derrière, et dans le siècle, effectivement les gens qui faisaient la revue étaient des acteurs de la colonisation, largement. En gros, des sortes d'érudits locaux qu'on aurait transposés dans un espace géographique différent, ils étaient très proches des sociétés d'érudits locaux, ils s'imaginaient comme les érudits du 19e siècle, mais simplement transposés dans un espace géographique qui était celui de la colonisation. On voit bien la logique, en tout cas, des fondateurs. Oui, mais le fondateur principal est très significatif de ce point de vue-là, Alphonse Martineau, qui était, avant de fonder cette revue, qui était administrateur colonial, gouverneur des Indes, et qui ensuite a continué dans l'enseignement, parce que en 1921, je crois, il est devenu professeur au Collège de France sur une chaire d'histoire coloniale. Donc tout se mélangeait, mais c'était quand même à l'intérieur de l'entreprise coloniale qui n'était guère critiquée à ce moment-là, si, par un certain nombre de milieux, mais assez peu par ces gens-là, bien évidemment. Et donc évidemment toute la politique de décolonisation a dû changer les choses. On a dû déjà avoir des tiraillements à l'intérieur d'une revue ou d'une société comme celle-ci. Oui, bien sûr. Bon, l'intéressant, c'est que la revue n'a pas disparu à ce moment-là, parce qu'on aurait pu y penser. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, n'en parlons pas. La publication de la revue a été suspendue, donc on reprend avec la libération et bientôt la décolonisation. Alors là, effectivement, c'est plus sportif. Et donc, un certain nombre de nos anciens ont eu la sagesse de ne pas sagesse à mes yeux, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, de ne pas s'impliquer dans les polémiques du moment. Et de se tourner plutôt vers l'histoire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne participons pas aux polémiques qui sont relativement nombreuses encore sur l'histoire. Alors peut-être à tort, je ne sais pas. Mais nous retournons sur l'histoire et c'est cette visibilité qui est la nôtre que sont ces fameux dossiers dont on parlait tout à l'heure. Je rappelle aussi que la SFOM a longtemps été éditeur de bouquins. ça s'est arrêté dans le, pratiquement au moment du centenaire pour des raisons de gestion. Donc, pour des raisons autour de 2010, quoi, environ. Ouais, 2012. Donc, ça peut reprendre. Ça peut reprendre. Il n'y a aucune raison que ça ne reprenne pas. Je signale aussi que donc la Somme s'est bien sûr beaucoup modernisée. On pourra en parler un peu plus que ce que j'en dis. Mais depuis 2004, à ma connaissance, il y a un site web qui fonctionne très bien, qui est alimenté, géré par Guillaume Vial, qui est donc notre expert et notre animateur sur ce plan-là, qui est passé à Twitter en 2014, 10 ans plus tard. Bon, vous connaissez bien forcément, mais on est dans des milieux. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux en tous les cas. C'est, grâce à lui. Ouais, j'imagine parce que effectivement, il n'y a pas grand-chose qui échappe de ce que vous publiez sur Twitter en particulier. Et Guillaume Vial qui produit. Avec quelle périodicité, j'ai tout à coup un doute. Une dizaine de jours, une lettre dont on disait tout à l'heure qu'elle était diffusée à 700 personnes qui sont principalement des universitaires, à peu près 500 universitaires qui s'intéressent au champ colonial. Donc le parcours est assez long, depuis les origines effectivement qu'on évoquait, jusqu'à cette présence, non pas dans les polémiques, mais dans l'information. Sur le champ. Colette Zitniki, vous êtes avec nous depuis des studios de Radio France à Toulouse. Vous avez eu à gérer donc dans une revue comme celle-ci ces discussions, ces débats, ces changements de nom ou de d'itinéraire, pourrait-on dire, par rapport à cette longue histoire de la colonisation. Vous vous êtes posé la question de savoir comment on pouvait décoloniser l'histoire, et ces questions-là sont des questions qui sont toujours pendantes et toujours intéressantes parce qu'elles mettent en cause justement, à la fois les héritages, mais également la nécessité de s'ouvrir aux débats qui viennent d'ailleurs, en particulier du côté des Subaltern Studies ou d'autres écoles historiques que les écoles historiques que l'on peut connaître en France. Oui, je pense que la revue, elle a été, enfin en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je dirais dans la lignée des débats qui entoure la question de la colonisation, il faut quand même souligner un moment très important, c'est celui de 1959, ou 58, quand la revue change de titre. Et c'est aussi le tournant, je dirais, d'une histoire coloniale, enfin de la colonisation plus économique, avec Catherine Cochry-Vidrovitch et Hélène Damedda par la suite. Inspiré aussi par les thèses marxistes, parce qu'il y a eu tout ce moment important dans l'histoire de l'écriture de la colonisation, faite par des historiens inspirés du marxisme. On a un petit peu tendance à oublier aujourd'hui ce moment-là, et j'aimerais bien donc remettre à l'honneur. Et quand on regarde les dossiers plus récents, on s'aperçoit que, je dirais, tous les débats qui ont traversé donc ce champ de l'histoire de la colonisation, on les retrouve dans la revue, que ce soit la question de l'impact culturel ou intellectuel de la colonisation, donc l'aspect économique bien entendu. On continue à travailler dans ce domaine-là. La question aussi de l'esclavage, la question de la mémoire, et même nous avons fait un numéro spécial sur la question de la BD, enfin comment la BD contemporaine. J'ai sous les yeux d'ailleurs. A pris en compte cette question de l'écriture de la colonisation. Notre revue n'est pas polémique, si vous voulez. Mais comment est-ce possible de ne pas être polémique dans un contexte qui l'est considérablement, Emmanuel Sibeud, puisque vous êtes avec nous, vous savez ce qu'il en est effectivement de ces polémiques autour de la colonisation, de l'histoire de la colonisation, qui sont quasi hebdomadaires, sinon quotidiennes parfois. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la revue est une exception française par sa continuité, parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre ou dans tous les autres pays européens, les revues du même genre ont disparu et sont réapparues en fait dans les années à la fin des années 70. Mais ceci dit, c'est pas pour autant un réduit français, c'est-à-dire qu'on est en relation, on a monté des journées d'études ensemble et on a des échanges, par exemple, avec le Journal of Imperial and Commonwealth Studies, et on est beaucoup moins que ce journal, donc qui est le journal britannique et qui était très tourné quand même vers l'Empire britannique. Nous, on est beaucoup moins tourné vers la colonisation française. Donc on est en échange avec toutes ces revues, et je pense que un des enjeux pour nous, c'est de rendre la revue plus visible. Julie rappelait qu'on a 700 qu'il y a 700 personnes qui suivent la lettre, et c'est important parce qu'effectivement on débat énormément de colonisation actuellement en France à différents niveaux, et c'est important d'apporter ce que les historiens ont à dire. Julie Dandurin. Oui, en fait, cette revue, comme ça a été dit par Colette, par Emmanuel et par Hugues, c'est une revue qui s'est donnée surtout un devoir d'histoire pour les générations futures aussi. Et faire un travail d'histoire, c'est un travail aussi qui dédramatise et qui, sans doute aussi, apaise les mémoires. Et la revue s'honore, en fait, de diffuser auprès d'institutionnels partout dans le monde. Cette revue qui est ancienne, en fait, est diffusée aux États-Unis dans les grandes bibliothèques américaines, à Yale, à Princeton, les bibliothèques au Japon, en Asie, partout, en Afrique, beaucoup également, et dans toutes les grandes bibliothèques françaises. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de continuer en fait à avoir ce rayonnement international et de pouvoir montrer que le travail qui est fait est un travail d'historien et un travail sérieux. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà un titre de Carole Kim de 1974 pour faire plaisir à Hugues Tertrais, spécialiste de l'Asie, Saigon. Donc un titre qui nous rappelle effectivement la guerre du Vietnam et ce moment très particulier pour l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Nous débattons ici avec des membres de la revue Outre-mer de l'existence d'une telle revue plus de 100 ans après sa naissance, puisqu'elle est née en 1912 et qu'elle existe encore aujourd'hui. Elle est très vivante et nous avons avec nous donc quatre des responsables de cette revue, Tertrais, je l'ai dit, Emmanuel Sibeut, Julie Dandurin et Colette Zitnicki, qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Toulouse, où elle enseigne. Alors, il y a tout de même, vous dites, on essaye de faire un travail d'historien, d'historienne, mais en même temps, les ressacs de l'actualité sont toujours présents. J'imagine que la loi du 14 février 2005 a dû avoir quelques remous dans une revue comme celle-ci, Hugues Tertrais. C'était une voix sur les bienfaits de la colonisation ou les effets positifs de la colonisation. Enfin, en tout cas, les lois sur l'esclavage, dites loi Taubira, toutes ces lois-là doivent à un moment ou à un autre pousser les historiens qui sont membres d'une revue comme celle-ci ou d'une société française comme celle-ci, Société française d'histoire des Outre-mer, à débattre entre eux. Forcément, forcément, et c'était un grand moment. 2005 en particulier a été plus particulièrement un moment où s'est croisé, je crois qu'Emmanuel a écrit des choses très intéressantes là-dessus, où se sont croisées un certain nombre de choses presque par hasard et qui ont effectivement constitué un pôle de cristallisation ou de crispation. Donc, bien sûr, entre nous, on en a parlé. Bien sûr, on n'était pas, à l'écart de tout ça. Mais pour autant, avec la périodicité de notre revue, maintenant avec la lettre, peut-être, ce serait un petit peu différent. Quoique, nous n'avons pas fait écho directement dans nos publications à tout cela. Nous, un petit peu comme à l'époque de la décolonisation, c'est pas qu'on se tenait en arrière, mais bon, on n'était pas à chaud dans la polémique. Oui, Emmanuel Sibeud, on parlait tout à l'heure du marxisme qui avait été très présent dans l'après-décolonisation. Il y a eu le post-marxisme, les anciens marxistes qui sont devenus anti-marxistes. Enfin, il y a eu des discussions, j'imagine, très fortes à l'intérieur de ce milieu de l'histoire qui s'intéresse à la colonisation et à la décolonisation. Oui et non, parce qu'en fait, en 2005, les choses ont été assez simples pour les historiens. On s'est quasiment battu pour signer la pétition contre la loi, effectivement, de 2005, hein, avec le rôle positif de la présence française outre-mer. Et on s'est battu, et la pétition a été arrêtée à 1001 signatures. Mais en fait, il y avait une unanimité de fait des historiens contre la loi, effectivement, de 2005, hein, qui a été arrêtée. Julie Nandurin, vous êtes sur un terrain qui n'est pas non plus très simple, le terrain militaire, avec une armée contemporaine qui n'est pas toujours satisfaite quand on attaque une armée coloniale, par exemple, ça n'est pas toujours très simple. Comment fait-on justement pour pouvoir faire un travail de recherche ? Alors effectivement, travailler sur la question militaire, c'est quelque chose qui n'est pas simple, et qui n'est pas simple aussi parce qu'à l'université, c'est pas très facile non plus de travailler sur la question militaire. Comment fait-on ? Eh bien, justement, en fait, on fait son travail d'historien, c'est-à-dire justement d'aller chercher les archives. Et c'est ça le véritable travail de l'historien, de trouver des archives, les archives officielles, et puis, si possible, et moi ça a été vraiment mon axe d'entrée, des archives privées qui permettent en fait de renouveler aussi l'image que l'on a de l'institution militaire. Et alors, vous ne croyez pas si bien dire, là en ce moment, le grand débat, c'est la question du génocide rwandais et de la commission Duclerc qui vient d'être nommée. Je fais partie de cette commission Duclerc qui va être chargée d'ouvrir les archives sur le Rwanda. Alors c'est justement là, je crois, la mission en fait des historiens, des chercheurs, c'est la mission aussi de cette revue de relayer et de montrer, de donner à voir en fait la façon dont travaillent les historiens pour apporter du sérieux dans des choses qui sont très très douloureuses parce que les guerres sont évidemment toujours douloureuse, et la colonisation qui est un phénomène de domination est forcément douloureux, au moins de toute façon pour une partie des populations, c'est-à-dire celles qui ont subi cette domination. Mais il faut aussi travailler sur la façon dont les États ont échangé entre eux par les guerres, et dans les guerres il y a aussi des communications qui se font aussi entre les États, et tout ça c'est aussi le rôle des historiens de prendre de la distance avec tout ça pour dépassionner le débat. Moi mon travail tend vraiment beaucoup vers cela, de dépassionner ces débats. On se souvient du travail de Julie Le Gac par exemple sur les exactions qui ont pu être commises pendant la reconquête du territoire européen par les armées françaises, et en particulier en remontant la botte italienne, très connu des Italiens, très peu connu et très peu valorisé ou mis en avant par les Français. Ça n'était pas toujours très simple que d'évoquer justement, entre guillemets, cette honte de l'armée française, même si elle a réussi à le faire elle-même dans son travail de thèse, et qu'il a été publié, je crois, avec l'aide d'ailleurs de la Société d'Histoire de la Défense en particulier. Oui, bien sûr, le travail de Julie Le Gac est tout à fait fondamental, et tout le travail que Julie a pu faire et d'autres avec elle sur la question des femmes, des viol comme outil de guerre, tout ça c'est nécessaire, ça participe en fait du travail qui est nécessaire. Je pense aussi aux travaux sur la torture de Raphaël Branche, tout ça c'est absolument nécessaire. Mais voir les armées comme un outil de domination et de mort, c'est aussi une vision de l'armée qui n'est pas la vision globale de l'armée. L'armée c'est aussi l'évacuation de ressortissants quand il y a des problèmes dans le cadre des OPEX. Donc en fait il faut poser le débat en fait tel qu'il doit être posé en global. Et donc quand on fait cela, on le fait comment quand on fait une revue? Colette Zitniki, vous avez longtemps été donc à la manœuvre dans la conception d'une revue comme celle-ci, comme Outre-mer. Comment fait-on justement pour pouvoir accueillir des recherches nouvelles, permettre que les plus anciennes soient encore disponibles, faire en sorte qu'il y ait des débats même feutrés à l'intérieur d'une revue comme celle-ci? Alors il y a une chose qui est très importante, que l'on n'a pas soulignée encore, c'est d'abord l'ouverture de la revue aux jeunes chercheurs. C'est-à-dire que dans chacun des dossiers ou dans les varias, on se fait un point d'honneur de publier de jeunes chercheurs, ça veut dire des gens qui viennent soit de soutenir leur thèse, et dont la thèse a été saluée, reconnue, etc., ou des jeunes gens qui sont encore en train de faire leur thèse. Donc c'est aussi un moyen de renouveler, je dirais, le questionnement, de participer à la discussion globale. Et dans un dossier ou dans les varias, on mêle, si je puis dire, à la fois ces jeunes chercheurs qui impulsent du neuf et des chercheurs plus confirmés qui aussi participent au renouvellement des questions. Donc ça, c'est important. Et enfin, l'autre chose qui me paraît important de souligner, c'est que notre revue s'écrit avec des auteurs et au masculin et au féminin des Outre-mer, si je puis dire. Ça veut dire que nous avons toujours eu des auteurs, enfin depuis au moins depuis la fin des années 50, qui sont africains, qui viennent du Maghreb ou comme Robert Aldrich qui vient du Pacifique, etc. Donc ça aussi c'est un élément important, c'est que la revue s'écrit à plusieurs voix. Et je ne sais pas si on n'est pas là dans quelque chose de tout à fait spécifique. Parce que vous pouvez prendre n'importe quel numéro, vous verrez des auteurs africains ou d'autres régions. Et ça permet aussi de nous ouvrir à de nouvelles questions, à de nouvelles manières d'écrire. Oui, Emmanuel Sibeud, on sait par exemple qu'il y a des transferts de savoir-faire entre différentes disciplines et par exemple qu'une des grandes nouveautés, pourrait-on dire, dans les questions de domination, on a beaucoup parlé de domination depuis le début de cette émission, c'est la notion d'agency ou d'empowerment, enfin les notions qui viennent pas mal des États-Unis, des universités américaines, autour de la question de la capacité des acteurs à subir, mais aussi à trouver une liberté dans un cadre extrêmement contraint, qui est un cadre de domination. Cela, justement, ça change aussi les choses quand on évoque ces questions de colonisation, c'est-à-dire essayer de trouver des espaces dans lesquels des individus dominés ont tenté, alors ça peut être le marronnage dans le cadre de l'esclavage, ont tenté d'exercer leur propre liberté, leur propre capacité d'action. Oui, alors c'est ce qu'on appelle en français, avec un mot qui est pas bien joli, l'agentivité, c'est-à-dire la capacité d'initiative et d'action des acteurs. Mais je crois qu'en réalité, je rejoins là tout ce qu'on dit mes collègues sur le fait qu'on fait notre métier d'historien, c'est la base du métier d'historien. C'est-à-dire que quand on est historien, on s'intéresse aux acteurs et on va voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont choisi de faire à tel moment et quelles possibilités ils avaient, entre quelles possibilités ils ont choisi. Et ça, je pense que c'est vraiment un fil conducteur de la revue, en fait, à travers... peut-être pas avant la Seconde Guerre mondiale, mais je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que c'est une revue qui s'intéresse profondément à l'histoire sociale des acteurs de la colonisation. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Colette Zitnicki. C'est vrai qu'on fait le lien avec des jeunes historiens, qu'on fait le lien aussi avec les historiens francophones. On est très aidé par nos collègues anglophones. En fait, je pense à des gens comme Eric Jennings, par exemple, qui publie énormément dans la revue pour laquelle elle est très importante. Sur Vichy en particulier, les colonies à l'heure de Vichy. Voilà, ou son grand livre aussi sur la France libre fut africaine. Mais je voudrais signaler autre chose, c'est que quelqu'un par exemple qui est très important dans l'histoire de la Guadeloupe, qui est l'historien Jean-Pierre Sainton, qui a beaucoup travaillé sur la citoyenneté au XXe siècle et qui a travaillé aussi sur ce qui s'est passé en 1967, c'est quelqu'un qui a régulièrement publié dans la revue Outre-mer et qui est en dialogue régulier avec la revue Outre-mer. Et je trouve qu'au contraire, dans l'ensemble de l'histoire française où on parle des questions de citoyenneté, on ne va pas souvent voir, alors on le fait beaucoup plus maintenant, de passer systématiquement par les Outre-mer, mais c'est quelqu'un encore qui n'est pas suffisamment écouté, qui n'est pas suffisamment lu en France, et ce lien-là, la revue Outre-mer l'a toujours fait et continue à le faire. Et cette question d'agentivité ou d'agency, vous le mettez en œuvre dans votre dernier livre, Colette Zitnicki, qui s'appelle Un village à l'heure coloniale, puisque chez Belin, vous l'avez publié très récemment, et vous essayez de comprendre comment sous la domination coloniale, dans un exemple d'un petit village qui est à quelques distances très, très proche d'Alger, eh bien, entre 1830 et 1962, dans la domination coloniale, on a trouvé des moyens pour pouvoir avoir sa propre capacité d'action pour les gens qui étaient dominés, en particulier les indigènes algériens. Oui, mon idée, c'était de comprendre comment, dans ce régime de domination qu'est la colonisation, eh bien, on a pu vivre Cependant, si je puis dire, localement, parce que la colonisation, c'est pas le garde du chourme et je dirais les amendes du code de l'indigénat de tous les jours. Donc comment se manifeste cette coexistence entre des populations qui vivent l'une à côté de l'autre, vivent l'une avec l'autre, si je puis dire, donc d'un côté ceux qu'on appelait les Européens et de l'autre les indigènes, et comment les indigènes, ceux qu'on appelait les indigènes, ont pu se saisir d'un certain nombre d'institutions créées par la colonisation pour, par exemple, protester contre telle ou telle mesure ou contester telle ou telle chose. Donc c'est cette quotidienneté, cette banalité, si je puis dire, de la colonisation que j'ai essayé de mettre en évidence à partir d'un exemple très local, mais qui me semblait d'une certaine manière donner des clés de ce que de ce qu'a pu être la situation coloniale dont parle Balandier, au plus proche du terrain, au plus proche des acteurs. Que font les acteurs de la société coloniale, de la situation coloniale? Titre de la fameuse pop khmer des années 1970, ça s'intitule Sreino. On a compris en vous écoutant les unes et les autres combien effectivement on avait changé d'époque sur cette question de la colonisation à travers l'exemple de la revue que vous animez qui s'intitule Outre-mer, revue d'histoire, donc publiée par la Société française d'histoire des Outre-mer. Et c'est peut-être ça, Julie Nandurin, qui est extrêmement intéressant ces temps-ci, c'est cette confrontation, cette richesse des interprétations qui rend cette histoire de la colonisation en particulier et des décolonisations extrêmement intéressante à faire, parce que quand on travaille sur l'agency, sur la capacité des acteurs à contourner ou à détourner les consignes qu'on leur donne, à ne pas subir totalement la domination qui est pourtant très présente, eh bien on s'intéresse à tout un tas de stratégies qui sont des stratégies quasi individuelles et très intéressantes. Et même des stratégies plus globales, parce que dans la suite des réflexions sur l'agency, aujourd'hui, on travaille aussi sur la question des transferts, c'est-à-dire comment une domination, et notamment la domination à travers l'armée, en fait, a pu se transférer à l'ensemble des États. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La construction des armées en Afrique, par exemple, ou dans le monde arabe, qui sont toutes ces armées sont les héritières des armées occidentales. Alors, il y a les armées qui influencent d'autres armées, mais il y a aussi des modes d'action contre l'armée, par exemple, les modes d'action nés en Afrique du Sud, du côté de la Satyagraha et de Gandhi, qui sont transférés ensuite dans le territoire indien par Gandhi soi-même et qui va devenir donc un mouvement non violent contestant la colonisation. Par exemple, ce sont aussi des transferts impériaux à l'intérieur d'un même empire où on transfère des savoir-faire. Exactement. Et la GIGN qui peut partir du Vietnam pour pouvoir arriver en Algérie. Exactement. Et tout ça participe en fait d'une histoire globale, ou ce qu'on appelle la global history. Et cette histoire coloniale ou histoire impériale en fait est une histoire du monde. Et c'est ça qu'on essaye de restituer aujourd'hui dans la revue, et de montrer qu'en fait, en travaillant, en partant de la métropole, on arrive à travailler sur une histoire beaucoup plus globale. Hugues Tertrais. Oui, moi je retiens de tout ça et je voudrais revenir sur quelques points concernant le fonctionnement et l'avenir de notre revue. Je crois que l'implication des jeunes en particulier, me paraît, dont parlait Colette tout à l'heure, me paraît extrêmement importante. Bon, ce qui fait notre visibilité, c'est beaucoup ces dossiers que nous publions deux fois par an. À l'origine de ces dossiers, souvent, il y a une journée d'études que nous proposons en particulier aux jeunes chercheurs. Et on en a eu deux successives ou presque sur la Première Guerre mondiale. C'est vrai que c'était le centenaire de la Grande Guerre. Donc là, on ne peut pas échapper, si j'ose dire, à ça. Et pourquoi pas, tant mieux. Donc, sur les sorties de guerre en particulier. Sur les sorties de guerre. Et donc la dernière, c'était précisément sur la sortie, et publiée quelque part, sur la sortie de la Grande Guerre. Donc, sortir de la guerre dans les empires, c'est le deuxième trimestre 2018. Voilà, donc c'est tout chaud, si j'ose dire. Donc il nous faut un petit temps de digestion fabriquer quoi. Voilà, faut le fabriquer. Donc ce que je voudrais dire globalement, c'est que on évoquait les polémiques tout à l'heure et la réaction, notre non-réaction à ces polémiques. Je dirais que quand il y a une polémique sur un point, nous on a sur 20 ans 300-400 articles publiés. Et donc c'est plutôt ça qu'il faudrait regarder, parce que c'est effectivement on n'a pas la capacité, on souhaite pas non plus réagir à chaud un certain nombre de choses. Donc on rassemble dans la mesure du possible des jeunes en particulier qui travaillent, des historiens qui travaillent sur des questions, et ça forme un dossier considérable. Je veux dire, la polémique ferait qu'on mette tout ça sur la table, tout simplement. Donc ça me paraît tout à fait important tout cela, et je crois que de ce point de vue, Moi, j'ai des doutes sur les transferts et les relations avec les milieux britanniques ou américains. C'est pas que j'ai des doutes, mais on n'a jamais vraiment réussi en fait dans cette affaire. On a eu des journées communes. On devait publier, on n'a pas publié parce qu'il y a des problèmes de langue. On est en train de rater une occasion avec les Américains, qui fonctionne un petit peu différemment de nous là-dessus. Mais ce que je voudrais dire d'un mot ici, c'est que notre revue, de ce point de vue, fonctionne quand même comme une espèce de laboratoire d'historiens, d'historiennes. Et si c'est encore un petit peu trop franco-français, bon, on s'efforce quand même d'aller voir ailleurs. Bon, on va compter sur Emmanuel Sibeut pour internationaliser tout ça, non ? Je crois que non, il n'y a pas besoin de compter sur moi pour internationaliser, parce que le dialogue est déjà là avec nos collègues, effectivement, par exemple, de la French Colonial Historical Society aux États-Unis, mais c'est très intéressant pour nous de voir comment ils définissent en fait leur champ, qu'ils le définissent par rapport à l'histoire de France, parce que l'histoire française aux États-Unis est quelque chose de très valorisé. C'est un champ en soi, c'est un champ extrêmement prestigieux. Je rappelle généralement qu'il y a plus d'historiens de la France aux États-Unis qu'il y en a même en France. Donc c'est très intéressant de dialoguer avec eux. C'est très intéressant aussi de dialoguer avec nos collègues britanniques ou nos collègues néerlandais. Depuis le début des années 2000, il existe aussi une revue russe en fait d'études impériales qui s'appelle Ab Imperio et qui est tout à fait intéressante. Donc on dialogue. Je dirais que ce que fait la revue au moins depuis 1945. Et parce que c'est le moment, je pense, d'apparition d'une histoire complètement critique de la colonisation et assumée comme telle, c'est qu'elle propose une histoire plurivoque de la colonisation et une histoire, en fait, qui retrace les différents parcours de tous ces acteurs et qui montre comment on en a fait des choses différentes. Ces acteurs en ont fait des choses différentes de cette histoire. Et c'est une façon, je crois, pas de répondre directement aux polémiques, mais d'apporter beaucoup d'éléments dans les polémiques contemporaines. Et de toute façon, en tant qu'historienne et historien, vous êtes sollicité par les médias à un moment ou à un autre pour répondre à ces polémiques, j'imagine, peut-être pas au nom de la revue en tant que telle, mais peut-être en l'occurrence parce que votre travail conduit les médias à venir vous interroger. C'est votre cas pour la question rwandaise, par exemple, Julie Landurin. Oui, tout à fait. Et effectivement, on va faire ou on va essayer de faire ce que l'on sait faire dans ces cas-là, c'est-à-dire aller regarder des archives. Et simplement, ça va prendre du temps. Donc c'est vrai qu'on est toujours en décalage par rapport à la polémique, en décalage temporel. Mais on prend en compte, en fait, les débats qui sont les débats contemporains. Et on invite, comme ça a été dit, les étudiants à venir participer à tous ces débats qui sont extrêmement intéressants. Merci d'être venus donc tous et toutes parler de Outre-mer, revue d'histoire. Vous êtes tous membre de cette revue Société française d'histoire des Outre-mer. Et merci à vous, Colette Zitniki. Votre livre tout récent, ça s'appelle Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962, chez Belin. Et ça parle justement de la façon dont on a vécu au quotidien, entre voisins, pourrait-on dire, cette colonisation en Algérie. Demain, nous concluons notre série d'émissions en nous intéressant à un endroit où on conserve les archives de l'Outre-mer, à savoir les archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. C'est un documentaire signé Séverine Yattard, Séverine Cassard, un extrait.